Vous êtes à l'écoute de CKRL au 89.1 et plus particulièrement à l'écoute de Futur Simple. Et nous commençons l'émission avec Pierre-Olivier Desmarchais qui va tenter de nous démêler un peu pourquoi le prix des produits électroniques va augmenter à partir du 1er octobre prochain, c'est très bientôt. Est-ce qu'il s'agit d'une taxe environnementale, d'une écotaxe ou d'une redevance ? Donc, bonjour Pierre-Olivier. Bonjour. Tu vas nous démystifier un peu tout ça. Oui, en fait, l'Association pour le recyclage des produits électroniques a annoncé cet été que le 1er octobre, là, à partir, c'est lundi prochain, en fait, que une éco-frais serait prélevée sur les nouveaux produits électroniques qui sont vendus au Québec. Donc, aujourd'hui, c'est parce que j'ai l'impression depuis quelques jours que certaines critiques sont lancées à l'encontre du gouvernement parce qu'on considère que c'est une nouvelle taxe qui est imposée aux consommateurs. Mm-hmm. Alors qu'en fait, elle vient du gouvernement précédent. Là, c'était un règlement qui a été voté précédemment, en fait. Oui, en fait, c'est en juin 2011. C'est le règlement sur la récupération et la valorisation de produits qui avait pour objectif de réduire les quantités de matières résiduelles éliminées en responsabilisant les entreprises mm-hmm. quant à la récupération et la valorisation des produits qu'elles mettent sur le marché. Donc, actuellement, les produits visés par ce règlement sont les piles et les batteries, mm-hmm. les lampes au mercure, la peinture, les huiles usagées, les liquides de refroidissement et les antigels, et, bien entendu, les produits électroniques. Donc là, ce que tu dis, c'est que ça existe déjà pour certains produits, donc les piles usagées, par exemple, et que ça va exister, ça va rentrer en application pour les produits électroniques, c'est ça? Oui, en fait, c'est que ça existait déjà depuis début 2000 pour, par exemple, les huiles usagées et la peinture. Mm-hmm. Et c'est à partir de cette année que les programmes vont entrer en vigueur pour les piles, mm-hmm. les lampes et les produits électroniques. Mm-hmm. Donc, ce que le gouvernement a fait avec l'adoption de ce règlement-là, c'est mettre en œuvre le concept de la responsabilité élargie des producteurs qui vise notamment à obliger les producteurs à financer la gestion de leurs produits en fin de vie utile, donc au moment où le consommateur décide de se départir mm-hmm. de son bien. Alors, écoutez, ici, on veut transférer cette responsabilité qui était traditionnellement entre les mains des municipalités hein, vers les entreprises. C'est la logique derrière ces programmes-là. Mm-hmm. Alors, parce que pour le moment, on met ça à la poubelle ordinaire et bon, c'est récolté par le système de collecte de la ville, puis donc c'est la ville qui gère ça. Ouais, en fait, c'est qu'on s'est rendu compte que plusieurs ordinateurs se retrouvaient dans les lieux d'enfouissement, donc mm-hmm. on veut absolument éviter ça, puis on veut donner une nouvelle vie à certaines composantes qu'on retrouve dans ces produits électroniques-là. Donc, si on est capable de le faire, de les recycler ou de les réutiliser, mieux mm-hmm. vaut le faire. Mm-hmm. Alors, on veut donner également la chance aux consommateurs d'avoir mm-hmm. un endroit où ils peuvent aller porter leurs produits. Alors, vous aurez compris que ces programmes-là, ça vise en fait à s'attaquer aux modes de production qui ne sont pas durables, à réduire la pression exercée par la société hein, de consommation mm-hmm. Sur les réserves mondiales des ressources non renouvelables et même celles qui sont renouvelables. Mm-hmm. Alors, pourquoi ne pas conserver hein, le système traditionnel? Oui, c'est ça. Donc, il est collecté dans le système traditionnel où c'est collecté par la ville, donc peut-être aussi via les éco-centres aussi, mais là encore, c'est peut-être la ville qui finance ce système-là, je ne sais pas. Oui, en fait, c'est que le problème avec le système traditionnel, c'est que dans le compte de taxes municipales, vous avez un montant forfaitaire qui vous est imposé mm-hmm. Pour la gestion des matières résiduelles. Alors, il n'y a aucun incitatif économique pour le consommateur, hein, pour éviter d'acheter des produits qui ont un impact sur l'environnement, donc ceux qui sont suremballés, par exemple, ou les produits qui ne peuvent pas être recyclés. Je vais te donner un exemple très, très, très concret. Les personnes, par exemple, qui font du compost à la maison, ben ils sont pas... Je veux dire, on n'incite pas la population à le faire au niveau économique parce que en fait au bout du compte à la fin de l'année votre montant mm-hmm. sur votre compte de taxe ouais. va être le même ouais. alors que ça réduit considérablement la quantité de déchets dans le bac exactement mais ils sont pas récompensés pour ça exactement ouais. donc pour une des solutions par exemple qu'il faudrait penser là, pour contrer ce système-là, ça serait de mettre une pesée sur les camions à ordures. Mais bon, ça ferait en sorte que le contribuable paierait annuellement mm-hmm. pour la quantité de déchets qu'il met sur le bord du chemin. Mais la littérature, oui, la littérature est assez claire sur cette stratégie, c'est qu'en fait, on craint la création de décharges illégales. Mm-hmm. Donc, le monde vont vouloir payer moins, donc ils vont prendre leurs déchets, ils vont aller les mettre dans le champ. Exactement. Voilà, ouais. Alors, ça, c'est un peu le paradigme actuel, mais j'ai pas de... Je dirais que c'est ça n'a pas été nécessairement prouvé. Mm-hmm. Donc, alors, on va en revenir donc au programme de gestion des produits électroniques. Finalement, pourquoi le prix de ces produits va augmenter en octobre et surtout de combien? Oui, en fait, faut comprendre que la hausse du prix de ces produits-là, en fait, c'est pour financer le traitement qui inclut l'entreposage, la collecte, le tri, le traitement et justement le traitement du produit en fin de vie. Alors, la grande question, c'est de savoir comment vont-ils le faire. Et le règlement permet justement aux producteurs de ces produits électroniques de se regrouper au sein d'une entreprise qu'on appelle, dans le jargon, un éco-organisme, hein, et qui a la responsabilité, en fait, de gérer les obligations des producteurs. Alors, pour exercer ses fonctions, hein, l'éco-organisme va élaborer ce qu'on appelle une grille tarifaire. Ainsi, pour chaque produit, la grille tarifaire nous donne un prix ou un frais de gestion environnementale ou, si vous voulez, une éco-contribution, un éco-frais ou tout simplement une redevance. Donc, ce montant devra être versé par le producteur à l'éco-organisme pour assurer justement les frais de gestion de ces produits qui sont mis sur le marché. Alors, ça donne quoi, par exemple, pour les produits électroniques? Est-ce que tu as des idées? Oui, par exemple, pour un ordinateur de bureau, alors c'est $7.50 qui va être ajouté au prix. Pour un ordinateur portable, c'est $1.65. Pour un téléphone cellulaire, c'est vraiment minime. On parle de 10 sous. Et pour un téléviseur dont l'écran est plus grand, là, de plus grand que 30 pouces, la cotisation est de $42. Mmh. Mmh. Bon, vous aurez compris qu'il y a plusieurs produits, je ne les ai pas tous énumérés, mais pour chaque produit, en fait, la grille tarifaire nous donne un montant. Donc, si je comprends bien, ça va peut-être se traduire sur une hausse des prix des articles dans les magasins, donc peut-être pour le consommateur. Et est-ce que c'est ça qui a alimenté la colère des consommateurs qu'on a pu voir sur Internet? Ben, en fait, c'est que... Il faut faire attention ici, là. Ce n'est pas une taxe environnementale. Mm-hmm. Les entreprises n'ont pas le pouvoir de taxer les consommateurs au Québec. C'est un pouvoir qui est détenu par l'Assemblée nationale et les municipalités, donc par les pouvoirs publics. Et ça n'a rien à voir, ce montant-là, avec, par exemple, la TPS ou la TVQ ou même la taxe sur l'essence. Et la Cour suprême du Canada, en 2008, a tranché justement le débat, puis a fait la distinction entre ce qui est une taxe et une redevance. Et une taxe, ça sert à financer les dépenses de l'État en général. Donc, avec la TVQ, c'est pas pour décourager la consommation au Québec, là. C'est pour retirer de l'argent, tout simplement, pour financer, par exemple, l'éducation, la santé. Alors, tandis que, par exemple, une redevance, eh bien là, c'est très précis. Il faut que ça l'incite à un nouveau comportement. Un programme vraiment précis, oui. Oui, exactement. Donc, par exemple, on a un système de redevance pour l'élimination des déchets. Donc, on impose un montant, la tonne qui est envoyée à l'élimination. Donc, c'est vraiment, en fait, cette redevance-là, c'est vraiment pour décourager l'élimination des matières. Alors, l'autre élément qui est important aussi de mentionner, c'est que l'argent qui est récolté, là, l'éco-frais, la contribution... Le consommateur, la hausse, en fait, ce n'est pas versé au gouvernement. Alors, c'est un programme qui est privé. Les producteurs, à la base, n'étaient pas obligés d'inclure ce montant-là dans leur dans le prix de leurs produits à partir d'octobre. Ouais. Ils vont le faire. Ouais. Mais on n'est pas naïf. non, c'est ça, exactement. Non. Mais quand même, ils n'ont pas cette obligation-là. Ouais. Mais certains ont souligné que la hausse était plus importante au Québec qu'ailleurs au Canada. Alors, comment ça peut s'expliquer? Bon, il faut comprendre que les prix contenus dans la grille tarifaire sont pour le moment hypothétiques. On est dans une zone, on est dans une période d'ajustement. Le programme étant nouveau, même si les études menées par l'éco-organisme pour fixer le montant sont basées sur l'expérience des autres provinces, on doit quand même envisager une période d'ajustement. Et on pourra penser que dans un an, par exemple, lorsque l'éco-organisme aura fait ses calculs, les prix pourront baisser. Exactement. Alors, puis il faut également souligner que les entreprises qui sont sur le marché actuellement ont l'obligation de récupérer les produits orphelins, ce sont les produits des producteurs qui pouvaient qui ont vendu par exemple leurs ordinateurs il y a 20 ans mm-hmm. et que aujourd'hui sont encore là, un consommateur déciderait de s'en départir, bon ben les entreprises actuelles sont obligées de les reprendre. Mm-hmm. Alors ça fait gonfler si on veut la facture pour la gestion des produits au bout de compte. Moi en fait, c'est que il faut être très prudent sur cette hausse de prix, puis je veux pas que... En fait, il faudrait pas que ça soit comme en Ontario il y a 2 ans. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé en Ontario? Bon, le même type de programme est entré en vigueur, puis en fin de compte, le gouvernement a dû mettre la hache dedans à peu près 2 ou 3 mois après, parce que lorsque le consommateur se rendait au magasin et achetait un produit... On avait sur les tablettes le prix. Mm-hmm. Et ensuite, l'éco-taxe ou l'éco-contribution, excusez, faut pas que je dise le mot. Ouais. L'éco-contribution était ajoutée à la caisse. Ah, mauvaise surprise. Exactement. Et on sait qu'à la caisse, normalement, c'est uniquement les taxes qui sont ajoutées ou, dans le cas de la consigne, c'est le montant de la consigne. Donc, normalement, le consommateur ne s'attend pas à payer un montant supplémentaire. Et ce qui est arrivé en Ontario, justement, c'est que, étant donné qu'ils devaient le faire à la caisse, tout le monde, il y a vraiment eu une montée assez importante contre le gouvernement, un mouvement, et le gouvernement a dû reculer. Mm-hmm. Donc, juste pour informer, là, pour pas qu'au Québec, mais la seule différence au Québec, c'est que les entreprises n'ont pas le droit de rajouter le montant à la caisse. Donc, le montant sur les tablettes, c'est le montant ça final. Ça va inclure cette exactement. Éco-frais. Exactement, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on appelle l'internalisation des coûts. Donc, oui, on cache la contribution écologique dans le prix. Mm-hmm. Mais donc, le programme québécois va probablement, du coup, profiter de l'erreur de l'Ontario. Mais d'après toi, est-ce qu'il pourrait aller encore plus loin? Oui, en fait, on est... D'ici 2016, la grille tarifaire devrait changer. Ce qui est important de comprendre, c'est que le prix en ce moment est basé sur l'unité. Donc, pour une télévision, ça coûte 42 $. On pourrait s'attendre en 2016 que ça change parce que la grille tarifaire doit s'inscrire dans une perspective de protection de l'environnement et faudra amener éventuellement les producteurs à être en compétition parce qu'en ce moment que vous décidiez de produire une télé la plus écologique possible, ça va vous coûter quand même 42 $. Ouais, donc c'est le même prix quel que soit la télé. Exactement, c'est comme le compte de taxes, la gestion des matières résiduelles, le système traditionnel. Donc, il faudra penser éventuellement à changer ça justement pour amener un effet de compétition sur le marché. Mm-hmm, d'accord. Bon, on va souhaiter effectivement que ce système-là fonctionne pour effectivement internaliser le coût de la gestion de ces déchets, puis que finalement ça responsabilise un peu le consommateur. Oui. Donc, merci beaucoup Pierre-Olivier pour tous ces éclaircissements. Je pense que c'était fort utile. Et maintenant, pour se reposer un petit peu l'esprit, on va faire une pause musicale sur CKRL au 89.1 et on vous revient tout de suite après avec les actualités scientifiques de François Grégoire.